allégorie. Despotique, pesant, incolore, l'été, comme un roi fainéant président un supplice, s'étire. Par l'ardeur blanche du ciel complice, ébaille. L'homme dort, loin du travail quitté. L'alouette au matin, lasse, n'a pas chanté. Pas un nuage, pas un souffle, rien qui plisse ou ride cet azur implacablement lisse où le silence bout dans l'immobilité. L'âpre engourdissement a gagné les cigales, et sur leur lit étroit de pierres inégales, les ruisseaux, à moitié taris, ne sautent plus. Une rotation incessante de moires lumineuses étend ses flux et ses reflux. Des guêpes, çà et là, volent, jaunes et noires.